Chapitre 15e, la bataille contre les éléphants. Sûr de sa troupe, ayant bien dressé ses mitrailleuses à se servir des maximes, 300 balles à la minute, Dussonville résolut d'aller attaquer le grand troupeau du Pilio. Il y avait là plus de 300 éléphants divisés en petites bandes d'une trentaine, bandes qui s'appelaient les unes les autres en cas de danger, ce qui est la coutume des grands troupeaux. Celui-ci avait chassé de la veille les hommes et les lions, il était maître du territoire. On avait attaqué en vain cette masse énorme, elle avait écrasé ses chasseurs. Mais Dussonville se mit en marche bien résolu d'exterminer le troupeau. On arriva près de la vallée, et Mademoiselle de Pellouère, qui avait toujours cru qu'on exagérait le nombre des éléphants, put, du haut d'une éminence, avec une longue vue, se convaincre que les nègres disaient la vérité. Du reste, Livingstone et d'autres ont vu des troupeaux de plus de 1000 éléphants. Mais enfin, demanda la jeune fille au capitaine, comment expliquez-vous la formation de ce grand troupeau? L'instinct de sociabilité pousse certaines espèces à former troupeaux. La puissante intelligence des éléphants fait que là où il y a beaucoup de lions, plusieurs troupeaux s'unissent contre eux. Ils se tiennent à distance rapprochée pour pouvoir se secourir mutuellement. Voyez les résultats de leur tactique. Le grand troupeau a chassé les hommes et les lions du Pilio. Moi aussi, j'ai questionné les noirs et ils m'ont émerveillé en me racontant que les éléphants exploitent méthodiquement les bords du Pilio. Ils le remontent un peu chaque jour sur une rive, laissant l'herbe et les feuilles repousser derrière eux. À la fin, ils passent sur l'autre rive et redescendent. Pendant ce temps, les pâturages se refont. Ce qui frappe le plus les indigènes, c'est la tactique du grand troupeau. Les bandes ne s'éloignent l'une de l'autre que de 500 ou 600 pas. Si des hommes ou des lions paraissent, l'alarme est donnée et les bandes manœuvrent de façon à cerner les intrus. Du reste, chaque espèce adopte le système de défense le plus rationnel et le plus conforme à ses moyens de lutte. Les buffles, les taureaux, les grandes antilopes se forment en cercle, vont au fond au milieu et présentent partout un front redoutable à l'ennemi. Le cerf, le daim, le chevreuil se fient à leur vitesse extrême et rusent admirablement. Je n'en finirai pas avec les exemples de l'intelligence des animaux dans la lutte pour la vie, mais tout le monde s'accorde à reconnaître que celle des éléphants est supérieure à toutes les autres. Dussonville avait parfaitement raison. Depuis la plus haute antiquité, l'histoire a enregistré des traits de sagacité qui prouvent que l'éléphant est capable de calculs très ingénieux. En somme, un animal qui vit 300 ans ne peut manquer d'acquérir une somme énorme d'expérience sur le tard de sa vie, et ce sont les vieux qui commandent les bandes. Mais la mission Templier, qui dut contourner la vallée du Pilio pour éviter le grand troupeau, a recueilli sur lui des renseignements extrêmement curieux qui prouvent la ferme volonté de ces éléphants de ne supporter aucun ennemi chez eux. L'heure approchait pourtant où il allait être obligé d'engager la lutte suprême. Le lendemain soir, les Amazones campaient à l'entrée de la vallée. Dussonville, craignant une attaque nocturne des éléphants, fit faire des abatis considérables pour s'entourer de feux qui ne pourraient manquer de tenir les éléphants éloignés. Puis il fit plusieurs fois, avant le coucher du soleil et un peu après, prendre les armes à sa troupe par alerte et former le cercle. Enfin, les mitrailleuses furent montées, chargées et braquées. Mrs. Morton, sentant que l'heure décisive approchait, éprouvait une angoisse déprimante. Dussonville lui avait proposé de la laisser en sûreté dans le dernier village que l'on avait traversé, mais elle s'y était obstinément refusée. « Je mourrai de peur, » disait-elle, « mais au Magnacira, j'irai. »« Vous êtes une héroïque poltronne, » avait déclaré Dussonville en riant. Pendant le repas du soir, à la nuit serrée, on entendit comme un coup de trompe assez près du camp et Takidata, qui avec sa sœur dînait à la table du commandant, dit « En voyant nos feux, les éléphants ont envoyé un éclaireur en reconnaissance et il nous signale. » La pauvre Mrs. Morton, pâlissant, cessa de manger. Quoi qu'on pût lui dire pour la rassurer. Sa terreur ne fit que s'accroître, car la vallée du Pilio s'emplit de bruits effrayants, appels de bandes les unes aux autres. Le grand troupeau s'assembla. Elle eut un concert épouvantable de cris, puis tout se tut. Mais bientôt la terre sonna sous la marche pesante de 300 animaux énormes. Les trépidations devinrent de plus forte en plus forte. Le sol trembla si fort que l'on avait peine à se tenir debout. La troupe avait pris les armes et s'était formée, mais en face des feux, le grand troupeau s'arrêta. Les Amazones s'y attendaient, ils se mirent à rire. Takidata s'écria « Les voilà bien attrapés !» Mais les éléphants, de leur voix baritonnante, se mirent à défier leurs adversaires, voulant ainsi les attirer hors de leur rempart de feu. « Topolampi !» cria le capitaine. « Katala, répondez aux éléphants !» Sonnez fanfare !» Les deux olifants retentirent, ce qui mit les éléphants en fureur, car le vacarme redoubla aussitôt. Les Amazones, pour se moquer d'eux, se mirent à pousser des houes sonores et d'autres cris dérisoires, surtout des clapissements. Puis comme finale, elles imitèrent tout le chant du coq. Pas de bruit plus désagréable pour l'éléphant, au dire de Stanley et de Livingstone. Et de fait, le grand troupeau s'éloigna lentement, à la grande joie des Amazones, qui en firent des gorges chaudes en rompant les rangs. Pendant toute cette scène, assis sur une pierre, Mrs. Morton n'avait cessé de pousser des exclamations de peur et de se recommander à Dieu. « Eh bien, lui dit sa nièce, les voilà partis. Vous n'êtes pas morte de peur et vous allez dormir en paix. Ils ne reviendront plus qu'au jour. »« Dormir ? » s'écria Mrs. Morton. « Impossible. J'ai le poids de ces 300 éléphants sur ma poitrine. »« Je conçois alors, dit Dussonville, que moralement vous soyez aplati, mais vous dormirez quand même. » Il voulut préparer lui-même le thé au rhum que l'on prenait chaque soir, et il en présenta galamment à Mrs. Morton dans un quart en fer blanc. « Il a un drôle de goût, » dit Mrs. Morton après avoir bu. « Et faites de la peur qu'il vous a mis la bile en mouvement, » riposta le capitaine, et il alluma tranquillement sa pipe. On causa éléphant. Au bout de 10 minutes, Mrs. Morton dit à sa nièce en bâillant, « Ce grand côté était donc bien fort qu'il m'alourdit et me donne envie de dormir. » Elle se leva péniblement et gagna sa tante d'un air mal assuré. « Mais qu'a-t-elle donc ?» demanda Mademoiselle de Pellouère, très étonnée. « Rien, » fit Dussonville, « les suites d'une trop vive émotion. La nature réagit. » Mademoiselle de Pellouère souhaita le bonsoir au commandant et, un peu inquiète, rejoignit sa tante. Celle-ci ronflait déjà. Il vint un soupçon à la jeune fille qui se demanda « Aurait-elle bu pour s'étourdir ?» Défaut mignon des dames anglaises. Elle en éprouva une profonde tristesse et se promit de faire le lendemain Mrs. Morton de très sévères observations. Elle reconnaissait tant des dames, même les plus comme il faut, sélectes, que leurs femmes de chambre couchaient ivres mortes. On sait que l'exemple vient de très haut, en Angleterre. Enfin, Mademoiselle de Pellouère s'endormit aussi, non sans entendre des marches et des contre-marches de bandes d'éléphants. Néanmoins, la nuit fut très tranquille et sans incident. Une heure avant l'aube, les trompes sonnèrent la diane et tout le monde se leva, excepté Mrs. Morton, que sa nièce secoua en vain. Après tout, pensa la jeune fille, elle a si peur que mieux vaut qu'elle dorme. Il paraît que, selon leur habitude, les éléphants nous attaqueront au point du jour, n'ayant plus peur de nos feux. Tout sera fini quand elle s'éveillera. Quand elle dit bonjour à Dussonville, celui-ci demanda d'un air indifférent « Votre tante a-t-elle bien dormi ?»« Si bien qu'elle dort encore. »« Tant mieux. Ne cherchez pas à l'éveiller. » Elle sortira de son sommeil pour constater la victoire. Déjà, le café du matin fumait dans les gamelles. Les Amazones le prirent en y trempant du biscuit de mer pris sur les vivres de réserve. Le commandant leur fit distribuer double ration de rhum, ce qui mit le camp en belle humeur. Bientôt, l'on entendit, au jour pointant, des appels d'éléphants retentir de tous les côtés. Pendant la nuit, les brandes avaient cerné le camp. « Pas bête, ces gaillards-là, » dit Dussonville, « nous voilà entourés. » Il fit former le cercle, mais chaque Amazone laissa entre elle et sa voisine assez d'espace pour que l'on pût, à volonté, braquer une mitrailleuse dans le créneau ménagé par cette formation. Les éléphants avançaient lentement, les feux mourants éclairant la pénombre de l'aube, les arrêtaient encore, aussi peut-être leur culte pour le soleil levant qu'ils ne manquent jamais de saluer. Quand l'aurore versa dans la vallée ses feux d'or et de pourpre, les bandes se formèrent en ordre dispersé, comme l'eussent fait des tirailleurs réguliers. Puis l'immense cercle s'ébranla lentement dans un ordre admirable. « Ils marchent comme des soldats français, » dit Takidata. « Ils savent la guerre. » Le soleil parut. Tous les éléphants s'arrêtèrent. Ils levèrent plusieurs fois leurs trompes en l'air, poussant chaque fois un cri d'adoration. Puis ils reprirent leur marche concentrique avec lenteur, car au pas, ils ne font que 3 kilomètres à l'heure. La scène était imposante. Dans cette vallée pittoresque du Piliou, sous les grands arbres exotiques, chaque éléphant, masse énorme, se mouvait avec une régularité et une rectitude de direction étonnante. Le cercle allait se rétrécissant, et déjà l'air était empesté par l'âpre odeur de porcherie qui se dégage d'un troupeau d'éléphants. Les défenses d'ivoire reluisaient au soleil, armes terribles, capable de percer un arbre d'outre en outre. Les trompes, plus dangereuses encore, irrésistibles bras, capable de jeter un homme à 20 mètres en l'air, se dressait menaçante, puis fouettait l'air à droite, à gauche, signe manifeste de colère, semblable à celui du lion irrité, battant ses flancs de sa queue avant la lutte. Chaque femelle avait derrière elle son éléphanteau qu'elle couvrait de sa masse. Tous traduisaient leur colère par de sourds grognements, pareils à ceux des cochons, mais centuplés. Et les oreilles démesurées se secouaient au vent, rejetant en arrière, crispées, donnant à la physionomie une expression inaccoutumée, bizarre et féroce. Et pour résister à cette force colossale, une poignée de femmes couvrant à peine un cercle de 20 mètres de diamètre. Au centre, les officiers très calmes surveillant les Amazones impassibles. Quand Dussourmille jugea que les éléphants étaient à 500 mètres, il commanda « Apprêtez armes !»« Feu de magasin à volonté !»« Joue !»« Feu !» La fusillade roula terrible. Les 4 mitrailleuses crépitèrent. Un ouragan de plomb s'abattit sur les éléphants qui reçurent plus de 3 000 balles en une seule minute et furent criblés. Pas un seul n'arriva à 300 mètres du camp tant la puissance des armes nouvelles est grande. Plus de 200 cadavres jonchèrent le sol et les survivants s'enfuirent au grand galop et en baritonnant avec épouvante. Le feu cessa par l'épuisement des magasins. Dussourmille commanda de le recharger par mesure de prudence. Puis il dit à Mademoiselle de Pellouer « C'est fait. Mais savez-vous ce que nous avons gagné à cette fusillade d'une minute ?»« 200 000 francs d'ivoire au moins. » « Et l'honneur d'avoir détruit le grand troupeau, » dit la jeune fille. Elle montra les montagnes noires de gens accourus de bien loin pendant la nuit pour assister, caché, à la bataille. Une grande rumeur s'éleva, et tout ce monde descendit bruyamment dans la vallée. Cependant, Dussourmille, tendant un bidon à Mademoiselle de Pellouer, lui dit « C'est du café. Tâchez d'en faire boire votre tante pour la tirer du sommeil ou l'opium que j'ai mis dans son thé et la plonger. « Ah !» s'écria la jeune fille joyeuse, « j'aime mieux cela. » Elle était heureuse que sa supposition de la veille fût fausse. Cependant, plus de 2 000 noirs avaient envahi le champ de bataille et l'en venaient encore de tous les côtés. Tous riaient, chantaient, dansaient. Ils étaient heureux d'être enfin débarrassés de ces éléphants vainqueurs de l'homme. Beaucoup étaient des émigrés du Pilou qui allaient rebâtir leur village en ruine et reprendre en possession de leur logon, leur champ fertile. Ils firent aux Amazones une ovation triomphale et ils proclamèrent Dussourmille roi de l'ivoire. Bientôt l'on vit arriver un cortège précédé de musiciens et de chanteurs. C'était un grand chef et sa suite. Il salua Dussourmille, le complimenta et admira l'immense carnage d'éléphants abattus en si peu de temps. « Tu es le Cavacérès de tous ces gens-là ? » demanda Dussourmille. « Oui, » dit le chef. « Je te donne toute la viande, tous les cuirs des éléphants. Tu en disposeras comme bon te semblera. Mais tu feras entasser l'ivoire, les longues défenses avec les longues, les moyennes avec les moyennes, les petites avec les petites. Tout sera pesé. Tu formeras un convoi de porteurs qui sont payés au prix ordinaire et que nous escorterons jusqu'à Porto Novo, ayant un de tes petits Cambacérès pour commander tes hommes. Il sera récompensé. » Le chef donna ses ordres et le dépècement commença sous la surveillance des Amazones. Immédiatement, des feux furent allumés pour boucaner la viande et la sécher ensuite complètement au soleil. Cette scène de boucherie présenta une animation extraordinaire. Inutile de dire que tout le monde fit bourmance avec des grillades. Mrs. Morton elle-même mangea avec appétit car elle avait mal déjeuné et presque pas dîné la veille. Mais elle ne cessait de répéter « Je ne m'explique pas comment ce grog m'a fait dormir, au point que le bruit du combat ne m'a pas réveillé. » Ni Dussourmille, ni Mademoiselle de Pellouer ne jugèrent à propos de lui donner le mot de l'énigme. Le surlendemain, convoi et Amazone se mettaient en marche. À part quelques chasses assez mouvementées, point d'incident en route. En arrivant à Porto Novo, Dussourmille vendit pour 220 000 francs. Il donna 100 francs à chacune des Amazones, ce qui les combla de joie. Les deux taquis eurent 500 francs chacune, et elles jurèrent au commandant un dévouement sans borne. Dussourmille voulut faire les parts de Mrs. Morton et de Mademoiselle de Pellouer, qui refusa énergiquement de rien accepter, ni pour elle, ni pour sa tante.